Chapitre 22. Le scandale éclata un beau matin, alors que Ziegfeld dormait sur une paillasse à l'orée de la salle des machines. Les cris d'Eric Weser le tirèrent si brusquement du sommeil qu'il faillit s'assommer sur un manomètre en se redressant. Le capitaine était livide. Il y avait de quoi. Quelqu'un s'était introduit dans le sous-marin pour voler les bijoux de la couronne. Horst n'en crut pas ses oreilles. Bousculant Weser, il courut dans le carré des officiers pour vérifier la réalité du fait. La caisse contenant les joyaux était bel et bien vide. « Ils sont venus dans la nuit, » halta le capitaine, au nez et à la barbe des sentinelles. « Ils se sont promenés dans le bâtiment comme s'ils étaient chez eux. Et... » Ziegfeld se sentit gagné par le vertige. Son pire cauchemar venait de se réaliser. Le trésor de la couronne d'Angleterre avait été volé par quelqu'un d'autre. Jamais il n'aurait pensé cela possible. Il crut qu'il allait s'effondrer victime d'une attaque d'apoplexie. Il dut s'asseoir et dégrafer son col de chemise tant il manquait d'air. « Qui ? » bredouilla-t-il. « Les mécaniciens, » cracha Weser. « C'est évident. Ils l'ont fait pour nous humilier. » « À moins qu'ils ne soient sur le point de quitter l'île, » souffla Ziegfeld. « Leur moteur est peut-être opérationnel à présent. » Ils ont vu là un excellent moyen pour repartir du bon pied une fois revenus à la civilisation. Même en négociant pierre par pierre, il y a de quoi constituer une véritable fortune. Assez pour acheter une ou deux républiques bananières et s'en faire élire président à vie. Il parlait en connaissance de cause. « Je ne peux pas permettre ça, » gronda Weser. « Il faut les en empêcher. Nous allons les attaquer par la mer. Avec un peu de chance, le U-boat pourra longer la côte jusqu'à la crique où se dresse leur campement. Nous les pilonnerons au canon. Il suffira de quelques obus pour faire exploser leurs installations. » Ziegfeld jugeait cette stratégie stupide. Il aurait été préférable d'essayer de récupérer le fameux moteur sur lequel les mécanos travaillaient depuis tant d'années. Il essaya de faire valoir son point de vue, mais Weser ne voulut rien entendre. Humilié, il voulait laver son honneur bafoué dans le sang et la fumée. Comprenant que le capitaine ne renoncerait pour rien au monde à son pilonnage d'artillerie, il tenta un nouvel angle d'attaque. « Les bijoux risquent de disparaître dans le bombardement, » insista-t-il. « Une explosion peut les éparpiller. Pensez donc, toutes ces pierres disséminées dans le sable, irrécupérables. J'estime qu'il serait plus judicieux de tenter une action de commando. Imaginez un peu, vous canonnez la plage et les ateliers pour faire diversion. Pendant ce temps, je me glisse à l'intérieur du camp et je récupère la couronne. Elle se trouve forcément dans la case du chef. Je m'en empare, je mets le feu à la hutte avec une grenade au phosphore et je m'évapore dans la jungle. Qu'en pensez-vous ? » Weser se passa la main sur le visage. « Vous avez raison, » souffla-t-il. « Je m'emporte. On ne peut pas laisser les joyaux dans les mains de ces sous-hommes. Il faut les leur reprendre, coûte que coûte. De combien d'hommes avez-vous besoin pour cette mission d'infiltration ? » ?»« 2 personnes. » J'irai seul, vêtu de loques, barbouillé de graisse comme eux. Il me faut juste un pistolet, 2 jumelles, 1 couteau, 1 ou 2 grenades, 1 rouleau de corde et 1 grappin pour franchir la palissade du fortin. Je vous demande de me laisser 3 heures d'avance pour atteindre la crique. Ça devrait suffire. Weser hocha la tête. Penché sur la carte approximative de l'île, il essayait de mettre au point sa manœuvre de contournement. « Je vais naviguer au plus près de la plage, » murmura-t-il, « de manière que le navire ne soit pas aspiré par le courant. Au ras de la côte, le stream est beaucoup moins puissant. Les choses se compliquent dès qu'on s'éloigne de la rive. Pourrez-vous manœuvrer sans vous échouer ?»« Je n'en sais rien, nous n'avons pas sondé les fonds. C'est un coup de poker, je l'avoue. Le U-boat devra se déplacer dans un étroit chenal entre la plage et le courant froid. Ça ne laisse pas beaucoup de marge. » Comme nous naviguons en surface, à vitesse réduite, je ferai sonder la passe au fur et à mesure que nous avancerons. Bien évidemment, si le fond se rapproche, nous nous retrouverons bloqués et le plan sera compromis. Hélas, je n'ai pas le choix. Si je m'écarte de la berge pour éviter que la quille ne racle le corail, le bâtiment sera immédiatement capturé par le courant. Dans l'état de nos moteurs, cela signifie que nous n'aurons pas d'autre solution que de nous laisser emmener jusqu'au pôle. Il faut tenter le coup, fit Siegfried. Si nous ne réagissons pas, les mécaniciens ne tarderont plus à exiger qu'on leur remette le sous-marin en signe de reddition. Je suppose que vous n'avez pas envie d'en arriver là. Il s'équipa, fourra son matériel dans une musette et s'enfonça dans la jungle. Il hésita encore sur la conduite à tenir une fois les joyaux récupérés. La première solution consistait à disparaître purement et simplement. Avec un peu de chance, Weser penserait qu'il avait trouvé la mort dans l'incendie de la hutte royale. Ensuite, il enterrerait le trésor quelque part en attendant. En attendant quoi? C'était bien là le problème. À quoi lui servirait d'être riche si c'était pour rester prisonnier de l'île jusqu'à la fin de ses jours, en fixant l'horizon dans l'espoir de voir s'y dessiner la silhouette d'un navire salvateur? Heureusement, il existait une autre solution. Revenir au sous-marin après l'assaut en prétendant n'avoir pu mettre la main sur les bijoux, puis dessertir les pierres en secret, les dissimuler à l'intérieur d'un objet banal et regagner le monde civilisé une fois le U-boat réparé au moyen des pièces récupérées dans les ateliers abandonnés par les mécaniciens que l'attaque surprise aurait mis en déroute. Cette variante comportait des zones d'ombre, bien sûr. Il y entrait une forte proportion de chance et de hasard. Mais Siegfried Hortz n'exerçait pas une profession où l'on peut planifier les choses dans le moindre détail. À un moment ou à un autre, se posait toujours l'éternelle question de la baraka. Se manifesterait-elle? Ferait-elle défaut? Le vieil homme remâchait ses pensées au fur et à mesure qu'il s'enfonçait dans la jungle. Eric Weser le croirait-il lorsqu'il affirmerait n'avoir pas trouvé les bijoux? Se montrerait-il méfiant? Ferait-il torturer les mécaniciens pour leur faire avouer où était caché le trésor de la couronne britannique? Le plan comportait beaucoup d'inconnus. Hélas, il n'avait pas moyen de faire autrement. Tout allait se jouer dans 2 heures à peine. Au cours de ses précédentes observations, il avait pu s'assurer que les mécaniciens ne possédaient pas d'artillerie, seulement quelques fusils. Le pilonnement d'obusiers provoquerait à coup sûr une belle débandade. Il est difficile de continuer à jouer les guerriers quand l'enfer vous dégringole sur la tête. Après avoir déjoué les pièges anciens et nouveaux qui jalonnaient le chemin, Siegfried vit se dessiner le rempart de bambous qui cloisonnait cette partie de l'île. Il se hissa dans un arbre pour guetter l'approche du U-boat à la jumelle. Il eut tout de suite une mauvaise surprise. Dido Malastraza, le chef des mécanos, paradait au milieu du campement, affublé de la couronne, du pectoral et du spectre britannique. Il portait ses parures par-dessus ses loques, en se dandinant tel un monarque d'opérette, soulevant sur son passage une tempête de rire. Lui-même s'appliquait à faire le pitre, en mimant des révérences ou en prenant des poses d'un ridicule achevé. Voilà qui compliquait tout. Malastraza était un colosse qui ne passait pas inaperçu. Le dépouiller de ses attributs royaux en plein cœur de la bataille ne serait pas aisé. Surtout si Weser surveille à la jumelle ce qui se passe sur la plage, songea Siegfried avec mauvaise humeur. Il risque de me voir faire main basse sur les bijoux. J'aurai du mal ensuite à le persuader que je les ai égarés dans la mêlée. Il jura entre ses dents. Le sort venait de lui faire un foutu croc en jambe. Il décida de prendre son mal en patience et s'installa à la fourche d'une branche pour observer le camp. Il espérait de toutes ses forces que cet imbécile de Malastraza finirait par se lasser de jouer au clown et s'en irait remiser les joyaux dans sa case. Il en était là de ses prières quand la silhouette du U-boat doubla la pointe pour se rapprocher de la crique. Le submersible naviguait au ras du courant froid, dont la trajectoire s'inscrivait en une ligne d'un blanc écumeux sur l'océan. Il manque de fond, en déduisit Siegfried. Il n'a pas pu s'approcher de la plage autant qu'il le souhaitait. Mon Dieu! Il se déplace à la lisière de la zone d'aspiration. À la première fausse manœuvre, il se retrouvera capturé par le flot. Les choses se présentaient mal. Il eut un sale pressentiment. Les guetteurs avaient déjà donné l'alerte. Sur la plage, les ouvriers couraient en tous sens. Malastraza arracha sa couronne pour hurler des ordres. Le canon du pont du U-boat ouvrit le feu. L'obus frappa l'un des réservoirs de la distillerie de carburant, provoquant une énorme explosion. Un nuage de sable et de fumée déferla sur le camp, giflant les hommes. Des détonations éclatèrent, dérisoires. Ziegfeld sourit. Les mécanos n'allaient pas tarder à se rendre compte qu'ils ne faisaient pas le poids. Encore deux ou trois obus et ils prendraient leurs jambes à leur cou. Le canon tonna de nouveau. Le tir, trop long, mal ajusté en raison de la houle, pulvérisa la palissade défendant le campement. Un rondin de bambou passa en sifflant à quelques centimètres de Ziegfeld, manquant de lui arracher la tête. Le vieil homme jura et s'aplatit sur sa branche. Il y avait désormais trop de fumée, il ne distinguait plus rien. Il songea qu'il ferait mieux de redescendre. Si Malestrasza s'enfuyait dans la jungle, il pourrait l'intercepter au sol. « Je le prends en filature et je le tue, dès qu'il se retrouve isolé de ses compagnons, » décida-t-il. « De cette manière, Weser ne pourra pas épier mes mouvements à la jumelle. »« Oui, c'est la meilleure solution. » Alors qu'il rampait au milieu des feuillages pour se rapprocher du tronc, il enregistra du coin de l'œil une agitation anormale sur le pont du U-boat. Dressé dans la baignoire, Weser hurlait, les bras levés au ciel. Les matelots avaient cessé de tirer, ils regardaient autour d'eux, désemparés. Et soudain, Ziegfeld comprit ce qui se passait. Le sous-marin, incapable de stabiliser sa position dans le chenal trop étroit, venait d'être happé par le courant froid. Déjà, il s'éloignait de la plage, emporté par le flot glacé. Hortz, la rage au cœur, perçut l'écho des moteurs qui rugissaient en pure perte. Le U-boat s'en allait, aspiré par le fleuve sous-marin qui allait l'entraîner jusqu'au pôle. Une clameur de triomphe s'éleva de la plage. Malestrasza remit la couronne sur sa tête et hurla plus fort que tout le monde. Il exultait. D'ici une heure, le submersible allemand ne serait plus qu'un point minuscule à l'horizon.